Ils pensent que ce qu'ils font là, c'est ce qui est correct. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Deuxièmement, on dit ils ont l'intelligence obscurcie. Tu vas voir un grand professeur d'université, un intellectuel qui pose des actes enfantins. Sinon, comment se fait-il qu'un monsieur qui est un gradé, un directeur, qui a une jolie femme, puisse encore courtiser sa servante? Vous voyez, c'est l'intelligence qui est obscurcie. Comment expliquer que toi, tu es quelqu'un que Dieu a élevé dans la société? Et il y a quelqu'un qui te dit, il faut un féticheur. Le féticheur te propose que tu puisses porter des médailles, que tu puisses boire des liquides, ou même quand tu vois ça, tu te dis que ça, il y a même des microbes dedans. Mais comme ton intelligence est obscurcie, tu crois que ça, c'est ça qui va te donner la puissance. Et tu bois. Ils ont troisièmement... Ils vivent dans l'ignorance, on dit à cause de l'ignorance. Ici, l'ignorance, ce n'est pas l'ignorance par rapport à la vie scientifique ou bien ce n'est pas l'ignorance sur le plan scientifique ou intellectuel. Quelqu'un peut avoir un grand diplôme, mais il est ignorant dans ce sens qu'il ne connaît pas Dieu. La Bible nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Selon la Bible, l'ignorant, c'est celui qui ignore Dieu. Quatrièmement, ils vivent dans l'endurcissement du cœur. Le cœur est endurci. C'est pourquoi ils s'endurcissent même dans le péché. C'est ce qui nous rappelle quelqu'un comme Pharaon. Voici un roi. Même quand Dieu le frappait avec des fléaux, tellement qu'il était endurci, il ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Je vais parler à quelqu'un. Depuis longtemps, on te parle de Jésus, on te parle de Dieu. Tu souffres. Tu es passé par des opérations qui n'aboutissent pas. Mais pourquoi es-tu toujours endurci et tu ne veux pas te convertir et donner ta vie à Jésus? La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cinquième caractéristique de païens, ils ont perdu tout sentiment. C'est-à-dire, il peut te faire du mal, mais il ne sent pas. Il ne sent pas qu'il te fait du mal. Ils se comportent mal. Ils ont perdu tout ça des sentiments. C'est-à-dire, le péché a détruit même tout ça des sentiments. Sixièmement, ils se livrent à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés. Vous voyez, ils vivent dans l'impureté, l'immoralité. Ils se livrent à cela. Et septièmement, ils vivent dans la cupidité. Le cupide, ils aiment l'argent. Ils veulent accumuler de biens. Ils ne veulent pas partager avec les autres. Mais maintenant, deuxième vérité. Il y a trois choses qui caractérisent la vie chrétienne. Quand tu es chrétien, il y a trois choses que l'apôtre Paul nous recommande ici. La première chose, il dit, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est notre ancienne nature. Je parle à toi. Regarde, tu dis que tu faisais les arts martiaux. Mais maintenant, à l'église, là, tu as toujours tendance à boxer les gens, à frapper les gens. Tu dois oublier. C'est-à-dire que le vieil homme, il est encore en toi. Je vais parler à une dame. Pourquoi as-tu l'habitude toujours de regretter l'ex avec qui tu as fait un enfant? Ça, c'est la vie passée. L'apôtre Paul pouvait dire, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte. Pourquoi tu veux toujours faire revenir le vieil homme, l'ancien nature? Ici, la Bible dit, tu dois te dépouiller du vieil homme. Il est dit au verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Et deuxièmement, vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Quand tu es chrétien, tout commence au niveau de votre manière de penser. Il faut un renouvellement. Et c'est par la parole de Dieu que ton intelligence peut être renouvelée. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Troisièmement, il faut revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, juste. Et une sainteté qui produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau. Quand tu t'es dépouillé de ton ancienne vie là, maintenant il faut revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire, il faut qu'on sente maintenant que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, qui a un changement de comportement. Troisième grande vérité, l'apôtre Paul nous donne un comportement qui montre à la fois des choses que nous devons bannir et des choses que nous devons faire. Vous voyez, il y a des choses à éviter. Nous devons éviter le mensonge et dire la vérité à son prochain. Il faut éviter la colère. Il dit que la colère ne se couche pas sur votre irritation. Je vais parler à un monsieur. Pendant que je parle, ça fait plus de 2 jours que tu ne parles pas à ta femme. Mon ami, ce n'est pas bon, hein? La colère là. Vous ne pouvez pas dormir comme ça pendant des jours et des jours sans résoudre les problèmes. La Bible nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Tu gagnes quoi? Regarde, depuis que tu as cette colère-là, tu commences à avoir mal à la tête. Il faut régler ça. La Bible dit aussi, ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, c'est lié surtout à la colère. Hein? Il y a plusieurs péchés qui donnent accès au diable, mais surtout les péchés de la colère. Dans un couple, par exemple, quand vous êtes fâché avec votre mari ou votre femme-là, ça ouvre la porte au diable. Vous voyez, vous ne voyez pas que ça commence à mélanger même les choses au niveau de vos commerces. Je parle à quelqu'un, regarde les taxis là, ton transport. Avant, les chauffeurs donnaient, les versements venaient bien. Depuis que vous avez fait palabre là, regardez comment ça commence à créer, les versements n'arrivent plus. Parce que vous avez donné accès au diable. Regardez comment votre enfant commence à tomber malade, les bébés là. Souvent quand les parents vous ouvrent la porte, l'ennemi commence à atteindre l'enfant. C'est pourquoi il faut régler, ne donnez pas accès au diable. Il faut abandonner le vol. On dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille pour avoir de quoi donner les autres. Le vol, c'est à proscrire. Il faut bannir aussi les paroles mauvaises. On dit qu'il ne sorte de votre bouche ni aucune parole mauvaise. Mais plutôt, il faut que quand tu parles, ce soit des paroles qui servent à l'édification. Mon ami, regarde-toi qui es chrétien. Comment tu parles des insanités comme des païens? Il y a des causeries, même que tu dis que non, c'est la blague. Il y a des blagues qu'un chrétien ne peut pas faire sortir de sa bouche. Vous voyez? Il faut un changement. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, tous ces comportements attristent le Saint-Esprit qui est en toi. Et puis, il dit, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, bref, toute espèce de méchanceté. Vous allez voir que la plupart de ces choses qui sont mentionnées, ce sont des choses qui touchent à nos relations interpersonnelles. Souvent, quand il y a des problèmes dans la famille, même dans l'église, c'est parce que ces choses, c'est le vieil homme qui est encore là. Beaucoup de gens n'ont pas encore abandonné la vieille nature. C'est pourquoi il y a beaucoup d'animosité, beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, de clameur. Mais ici, Paul dit, au lieu de ces choses, soyez bons. Compatissant, pardonnez-vous réciproquement. C'est ça la vie chrétienne. Comme Dieu nous a pardonné. Je vais dire à quelqu'un, toi tu dis, je ne peux plus saluer ce frère-là avec ce qu'il m'a fait. Mais regarde, si Dieu aussi te tenait rigueur, combien de fois tu as promis à Dieu que tu vas abandonner ce péché, mais tu l'as fait. Dieu te pardonne. Pardonne aussi à celui qui t'a fait du mal. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous aide à vivre une vie nouvelle en Christ. Je voudrais que nous puissions chanter ces cantiques. Fonder ma vie. Toi. mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma Dieu. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons l'Éternel, lui qui nous a donné la grâce de connaître Jésus, de rencontrer Jésus. Louons-le. Te disons merci, tendre Père. Toi, le Dieu plein d'amour, tu nous aimes d'un amour infini. C'est pourquoi tu nous as conservé ta faveur. Oui, Seigneur, merci. Toi qui nous as incorporés dans la famille des enfants de Dieu. Sois béni, Seigneur, de ce que en toi nous sommes appelés filles et fils. Nous sommes héritiers du Père et co-héritiers de Jésus. Nous te disons merci pour cela. Nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu qui n'a pas honte de nous appeler tes enfants. Oui, Seigneur, nous te disons merci encore de ce que par Jésus, nous sommes réellement enfants de Dieu et il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous sommes très fiers de t'appartenir. C'est pourquoi nous voulons t'élever en ce moment. Que l'honneur te revienne en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Éphésiens 4, 17 à 32. Je voudrais rappeler que vous pouvez suivre cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir les caractéristiques de la vie païenne. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées, l'intelligence obscurcie. Ils vivent dans l'ignorance, l'endurcissement. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se livrent à la dissolution. Ils marchent dans la cupidité. Tu vas prier le Seigneur pour toi-même. Peut-être que quand tu vois ta vie là, il y a encore des choses qui ressemblent à la vie païenne. Tu vas prier pour que Dieu t'aide. Tu vas prier aussi pour ton mari, ta femme. Peut-être qu'il est encore païen parce que ces choses sont encore là. Dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont encore des païens. Prions l'Éternel pour qu'il nous aide à abandonner ces choses. Prions le Seigneur. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, nous te rendons grâce et nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons en signe de reconnaissance au Père éternel pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations dans notre vie. Nous sommes reconnaissants pour la sécurité que tu nous donnes chaque jour. Ce matin au Père éternel, nous prions pour les frères, pour les sœurs qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous prions que tu puisses les édifier, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger. Et ceux de nos frères et sœurs dont les conjoints ne sont pas dans le Seigneur, nous prions au Père éternel pour la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils puissent découvrir que Jésus-Christ est Seigneur et se tourner vers lui à la gloire de ton saint nom. Nous prions contre toute opposition. Nous prions contre toute résistance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions également en faveur des frères et sœurs qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui vivent encore dans le péché, qui sont encore liés par les traînes de ce monde. Nous prions et nous déclarons que toute emprise démoniaque sur leur vie est brisée. Nous déclarons que les liens de la servitude sur leur vie sont ôtés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste dans leur vie. Lève-toi, ô Père éternel, et que leurs ennemis soient dans la dispersion. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la patience que tu as à notre égard, pour la sécurité que tu nous donnes, pour la protection que tu nous donnes et pour toute la liberté dans le Seigneur dont nous jouissons au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour toutes ces grandes délivrances. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons nous dépouiller de notre vieil homme, l'ancienne nature. Souvent des palabres que nous avons dans nos églises, où nous avons des querelles, des postes, des divisions. C'est parce que c'est le vieil homme, le moi, l'orgueil. On ne veut pas être renouvelé. On ne veut pas revêtir l'homme nouveau. Prions pour que Dieu nous aide à nous dépouiller du vieil homme, au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la vie. Merci notre Dieu pour cette invite à un changement, à une repentance, à une conversion sincère, à nous débarrasser, à nous libérer, à nous affranchir de notre vieil homme. La vie qu'on menait avant, on doit désormais changer et marcher en nouveauté de vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous crions, Seigneur, pour que cette parole agisse dans nos vies, agisse dans nos corps, agisse dans notre esprit. Que ta main soit sur nos vies. Si nous sommes sur une mauvaise voie, qu'elle nous mette sur la voie de l'éternité. Louange à toi, parce que tu as dit que celui qui nous a touchés a touché les pneus de tes yeux. Sois béni pour cette parole qui s'accomplit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir un certain nombre de comportements que nous devons bannir, au nombre desquels il y a la colère. Tu vas prier, mon frère. Tu es très colérique. C'est la colère qui a ouvert la porte à beaucoup de choses. Tu vas prier pour que Dieu te délivre de la colère, du mensonge, des choses qui attristent le Saint-Esprit. Que Dieu te donne la capacité de te maîtriser, de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Prions le Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci parce que toi-même, le jour de la crucifixion, tu as dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, Seigneur, nous entretenons des péchés comme la colère, comme la haine, le mépris. Nous n'arrivons pas à pardonner à toutes les personnes qui nous ont offensés. Oui, ce matin, nous venons à toi. Nous reconnaissons que nous le faisons. Aide-nous, aie pitié de nous, sanctifie-nous, purifie-nous et libère-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de changer de comportement, nous avons besoin de changer de mentalité, nous avons besoin de changer notre manière de faire, notre manière de voir même ce qui nous a offensés. Père, je te demande aussi, par ton esprit, aide-nous à évoluer, à pouvoir pardonner facilement. Ce n'est pas facile. Nous te demandons, en tant que Père, donne-nous de pardonner à notre épouse. Donne-nous de pardonner aux enfants. Que ce soit de même pour la mère et ses enfants, et les enfants pour leurs parents. Merci pour le pardon que tu mets dans le cœur de cette sœur. Merci pour le pardon que tu mets dans le cœur de ce frère qui l'abandonne et que la lumière de Christ vienne dans notre cœur, que la lumière de Dieu travaille, opère à nous et que notre ancienne nature tombe et que les méchancetés, les idées macabres que nous avons pour nos frères soient brisées et que nous soyons des enfants dignes de ton nom. Merci pour ta grâce qui nous suffit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler notre rendez-vous Bonheur Conjugal de ce dimanche 22 novembre 2015. Ce sera une rencontre réservée aux couples mariés. Notre thème que nous allons traiter, c'est la communication dans le couple à 17h. Ce sera à la salle climatisée du CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse et à demain.